platine. Minuit 2 heures dans Rail Suprême. C'est Skyrock.

danseurs. Rail Suprême. C'est Rail Suprême sur Skyrock. Elle est passée à côté de moi. Salut, c'est DJ Kaze, on se retrouve tous dimanche soir à minuit pour Rail Suprême. Skyrock. Le retour des temps coup. Les fruits, les murs au bout de miel. Ma vie, Aïcha, si tu m'aimes. Yeah. tous les dimanches soirs sur Skyrock pour Rail Suprême.

minuit 2h avec Fred et DJ K sur Skyrock. bien te connaître. Salut, c'est DJ Kays, on se retrouve tous dimanche soir à minuit pour Rail Suprême. Yo bien te connaître. Au bientôt ne collège. Bientôt ne collège. Ah bah. Au bientôt ne collège. Quoi Mamma would be a boa bonfia. I hope a promo yen in Abu Huntia. Or your town for Jano Manimbia. Yambua mua musina bumpia. Sabu pemo ano meni na edi. Nana yameni awakano nebebe mo. Sabu ma usa swabi pony na tutu. So my party don't lose God. Kawako ma doya. Everybody sing it, hallelujah. Hallelujah, everybody sing it, hallelujah. Hallelujah, happy single. Oh yeah, I say happy single. Oh yeah, Sky Rock, Rail Suprême. Mama

Come on, mommy, on the beach. On va remettre le sourire sur les visages tristes. 22 heures dans Rail Suprême sur Skyrock. Bye. ceux qui sont braqués sur moi. Être l'objet d'un choix, mais fera-t-y faire désormais? Le tien me semble si mauvais. Les pétards, accompagné, follette si tu veux danser. Le vicieux qui est à la porte ne parle pas un mot français. 2m10, 5 landaux, un bon morceau. Mais ce soir c'est sûr qu'on aura de bons morceaux. Dans les poches, plein de bifton, de quoi m'amuser. Prendre la bouteille et t'aller sur un canapé. Reste enroulé autour du bras, on est sur la piste. Petit pas synchronisé qu'on a répété à 10. Moi et mes complices, on a même

DJ Kais. We'll be right back. c'est Champana. Vera Cayenne d'entier en 24 carats. Cousine, tu me cherches, je suis au cabaret de l'Estac avec Malo, Gassim, Jaco et Rek. Tadir, Henna et les menottes. Et lui en fait voir toutes les couleurs, la minote. Mets-toi prêt, ce soir je sors. J'dormirai chez un pote si elle m'ouvre pas la porte. Eagle et bas. Wesh Dani, wesh Dani, wesh Dani, wesh Dani, wesh Dani, wesh Dani, n'soufria. Wesh Dani, wesh Dani, wesh Dani, andika. Wesh Dani, wesh Dani, wesh Dani, n'soufria. La beauté marocaine, c'est s'habiller. Personne ne peut l'intimider. Elle a le caractère et les hommes l'aiment. Impossible de la draguer. Elle a la taille pour bronzer. Type méditerranée. Ah, beauté marocaine. Beauté marocaine. Tout belle au naturel. Tout belle au naturel. Ah, beauté marocaine, c'est comme ça qu'on les aime. Nos beautés marocaines. Beauté marocaine. Ah, beauté marocaine. Beauté marocaine. Tout belle au naturel. Tout belle au naturel. Ah, beauté marocaine, c'est comme ça qu'on les aime. Nos beautés marocaines. Ça va toujours les règles. Demande à Justin, on est toujours dans les temps. Mais peu importe si tu m'aimes, mon test vient en montant. Y'a trop de jalousie, à ce qui paraît, je dérange. C'est tout en c'était DJ Case. À fond dans la caisse, à fond dans la tête. Télécharge sur ton tel. Toi t'es plus le même, je crois t'es fou d'elle. Oh les problèmes. Appelle-moi pour un FIFA, appelle-moi pour un foot. On fait danser les défenses, nous on fait lever la foule. Bouge ton bassin, ton épaule. C'est comme ça chez nous. Je te donnerai bien mon phone, mais ton père me regarde chez nous. Rail suprême. Si t'es trop belle, je vais te mali-malier. Direction le bled, t'es validé. Habiba, viens, j'ai besoin de m'évader. Mojito à la main, calé sous les palmiers. Je les entends pas loin. Allez, allez, allez. Pas que ça perd, moi. Allez, allez, allez. Je crois que je vais m'en aller, moi. Allez, allez, allez. Salam, salam. Allez, allez, allez. Star Rockets. Balance le show. Let's go. Didi, Tchermita. Attention. Yo, yo, yo, yo, yo. Suprême sur Skyrock. Mais je suis sur la côte, y'a pas de blême. T'as du soleil et des nanas. Aucun videur peut me dire nanana. C'est chaud, voilà qu'avec lui c'est chaud. Chaud, c'est chaud, c'est chaud. Y'a rien à dire, c'est chaud. Le vibe ils ont tout cassé. Battu sur la table pour tout casser. Comme ce voiturier t'as tout cassé. Amiga au platine. La banlieue est sortie. Grosse table au carré vide. Y'a des bonnes meufs et du pif. Oula la la. Oula la la. Oula la la. Life is prime. Oula la life is prime. On me fait faire pina colada. J'ai dit je connais le DJ, hey, hey. Il me connaît. frais. On Skyrock. بعدي الهدرة والكلام ريزل توالو ياكت نبغيك بالهبال شحال صبرت شحال كنت نخليك للحلال ما درنا والو كنت نخليك للحلال ما درنا والو كنت نخليك للحلال ما درنا والو كدير كافي يا مغدوبة في عشقك مداري وزيتك بعسي وانا مناسي وما درنا والو كدير كافي يا مغدوبة في عشقك مداري وزيتك بعسي وانا مناسي وما درنا والو مالغري اللي صار يا عمري مالغري اللي صار ديما في بالي قاد الاسبوار رجعوا كي كنا هبلوا عديان كملوا الاسطوار رجعوا كي كنا هبلوا عديان كملوا الاسطوار مالغري اللي صار يا عمري مالغري اللي صار ديما في بالي هبلوا عديان كملوا الاسطوار شعو كي كنا هبلوا عديان كملوا الاسطوار كدير كافي يا مدربي وعشقك مدرلي وسيت البعسي وانا مناسي ومدر لوالو كدير كافي يا مدربي وعشقك مدرلي وسيت البعسي وانا مناسي ومدر لوالو دير كافي يا مود ما في عشقك ما دالي ونسيت باسي وانا ما ناسي وما درنا والو كدير كافي يا مود ما في عشقك ما دالي ونسيت باسي وانا ما ناسي وما درنا والو les sons de Rai Suprême en direct sur Skyrock.